con un beco, lo mata con franza, con diaza, guardias. Le fi, dale, rule, le re, no rule, le ay, R, Kajiki, amate con diaza. Fabristeno, Tuma, Yeri, ça fait un. Tuma, Yeri, B, Tuma, Yeri, quoi, Yeri, yeah. Plegue Buduma, plegue de sa zogue, plegue Buduma. Plegue Buduma, plegue de li, on va casser les re, à gauche, gauche. Plegue Buduma, plegue de sa zogue, plegue Buduma, plegue de yo, plegue. Plegue Buduma, plegue de sa zogue, plegue Buduma. Dit du Zaram, dit du Bobo Ramos Squatch.